بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 90 بعد 100. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي أن أذهب إلى قس لأهنه بسلامة الوصول والعودة؟ donc il a interrogé le cheikh. Après que le questionnaire lui passe le salam, il a dit « M'est-il permis de me rendre auprès d'un prêtre pour le faciliter de son retour en toute sérénité, qu'il soit revenu sain et sauf ?» فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ بَرَكَاتُهُ. Donc il a rendu le salam. قَالَ لَا يَجُوزُ أَذَّهَابِ لَأَحَدٍ مِنَ الْكُفَّارِ عِنْدَ قُدُومِهِ لِتَهِنَّتِهِ بِوُصُولِهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ. Donc il a dit, il n'est pas permis de se rendre auprès de du kuffar, qui qu'il soit, pour lui souhaiter la bienvenue à son arrivée et lui passer le salam. Car le prophète Mohammed a dit, ne commencez pas avec les Yahoud et les Nasara par le salam. C'est-à-dire que tu n'as pas à commencer toi à leur passer le salam. Après, il y a eu une divergence entre les savants. Est-ce que c'est le fait de dire salam alaykoum spécifiquement ou toute salutation? Il a dit, ulama comme al-Fawzan, hafizallahu ta'ala, lui dit que c'est toute salutation. Ni bonjour, ni salut, ni rien. D'accord? Aucune salutation, on ne commence avec le kuffar. Et Shia, Al-Othamin lui voit que c'est le salam seulement. Mais le fait de dire autre chose, que cela peut être permis. Surtout que des fois, il dit que ça peut te mettre dans l'embarras, par exemple, au travail, avec tes parents, même si c'est les kuffars, ou au travail, tu rentres, tu dis bonjour à personne, ni rien. Ce genre de choses, lui, il voit que ça peut te mettre dans une gêne. Ou demain, t'envoies une lettre pour une quelconque recommandation, ou pour même une demande de travail ou quoi, que tu salues pas les gens, ben ça va te mettre dans l'embarras. Donc lui, il voit que c'est cross au salam. Après, Allah est plus savant de l'avis qui est prépondérant dans les questions. قال وأما ذهب النبي أو نبي عليه الصلاة والسلام اليهود الذي كان مريضا فإن هذا اليهود كان غلاما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الإسلام فعرضه عليه فأسلم. Il dit, quant à ce Yahoudi qui était encore un jeune garçon à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite, car ce jeune garçon était au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'il est tombé malade, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu visite pour lui proposer l'islam, chose qu'il a faite et que le jeune garçon a accepté. D'accord, le jeune garçon a accepté. Et là, roulem, le mot roulem n'inclut pas forcément une personne qui soit impubère. Ça peut être quelqu'un de pubère, ça peut être un adolescent. Il peut avoir 14 ans, 15 ans, 16 ans, et est devenu pubère. Car ces gens se prennent ce hadith-là comme preuve pour dire que même les enfants des koufars, ils seront au feu. Donc on dit ce hadith-là en lui-même, dans cette masala, n'est pas une preuve. Car roulem peut être employé même pour quelqu'un de grand. Même dans un hadith, dans le hadith de l'ascension, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux, il y avait tous les prophètes. Lorsqu'il a passé Moussa, qui était au sixième ciel, Moussa s'est mis à pleurer. Faqila, ya Moussa ma abkak. Qala inna dal ghulam. Fa inna usatrulum al jannah afdal min ummati. Il a dit quoi? Qu'est-ce qui fait pleurer? Il a dit, ce jeune garçon, ce ghulam, ce jeune homme, en parlant de qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était déjà un homme qui avait dépassé la quarantaine. Il a dit, inna dal ghulam yatrulul min ummati al janna afdal min ummati, que de sa communauté rentreront des meilleurs que ma communauté à moi. Donc il l'a appelé comment? Ghulam. Et il y a d'autres hadiths qui prouvent que ghulam n'est pas forcément un enfant impubère. Après, ça dépend du contexte. Mais souvent, c'est ça. Donc, il est parti rendre visite à ce jeune garçon pour lui exposer l'islam. Et non pas pour le saluer, pour sa vie, pour sa venue de son retour de voyage, ou je ne sais quoi, comme dans la question. قال فأين هذا الذي يعوده ليعرض علي الإسلام من شخص زار قصا ليهنئه بسلامة الوصول ويرفع من le mot là, min ma'nawiyatihi. Wa la yumkinu an yaqis hadha ala hadha illa jahil aw sahib hawa. Donc il a dit, il n'y a aucune comparaison entre cette situation du jeune Roulem et de celle de quelqu'un qui va voir un prêtre qui revient de voyage pour le saluer. Ça n'a rien à voir. Maintenant, rendre visite à un kafir qui est malade ou qui est sur le point de mourir ou même dans une situation normale autre que leur fête pour lui exposer l'islam, ça c'est mashrou'. D'accord ? C'est mashrou'. Tu vas pour l'appeler à l'islam. Même le moubtadi' qui à la base on ne doit pas leur rendre visite, on doit lui faire le hajj, le boycotter, il lui permet de lui rendre visite pour l'appeler à faire tawba. Wa kada. Naam. الآن ندخل في السؤال 91 بعد المئة 191 question. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم تهية الكفار بعيد الكريسماس وكيف نرد عليهم إذا هنؤونا بها وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر بغير قصد وإنما فعله إما مجاملة أو حياء أو إخراجا أو غير ذلك من الأسباب وليجوز التشبه بهم في ذلك. Donc il est interrogé quant au fait de souhaiter au kuffar un joyeux Noël. Ou que doit-on leur répondre lorsque eux nous le souhaitent? Et est-ce qu'il est permis de se rendre dans des lieux de célébration pour cette occasion-là? C'est-à-dire dans les lieux de fête, cette occasion-là. Et est-ce que la personne prend un péché lorsqu'il fait cela, mais sans vouloir appuyer leur mal, mais il le fait tout simplement parce que il le fait par complaisance, pour leur plaire, ou parce qu'il est gêné. D'accord ? Parce qu'il est gêné. Et autres. Et est-il permis de leur ressembler en cela ? Fa'ajaba rahimahullah ta'ala. تهينة الكفار بعيد كريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق كما نقل ذلك ابن القيم يرحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. Donc il a dit leur souhaiter des bonnes fêtes à l'occasion de leur fête, qu'il s'agisse de Noël ou autre parmi leurs fêtes religieuses, même la Pâque, l'Ascension et la Toussaint, toutes les fêtes qu'ils ont. D'accord ? Même chez les Yahouds, tout cela prend le même jugement. Que cela est interdit, et cela à l'unanimité entre les savants. Comme l'a rapporté Ibn al-Qayyim, rahmatullah ta'ala, dans son livre, Ahkam al-Zimma. Qui sont les règles des gens, des Zimmas, c'est-à-dire, ce sont ceux qui payent la jizya, comme les gens du livre et autres, qui sont sous l'autorité des musulmans. حيث قال, أما التهينة بشعار الكفر المختص به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهينة بهذا العيد ونحوه. Il a dit, Ibn al-Qayyim dans son livre, le fait de les féliciter pour des choses qui sont en lien avec leurs emblèmes, les emblèmes du kufr, cela est interdit à l'unanimité, comme le fait de leur souhaiter leur fête, ou leur jeûne, ou de leur dire, yani, Eid Mubarak, c'est-à-dire leur dire que c'est une fête qui soit bénie, et autres. Ça, c'est le parade de l'Ibn Qayyim. فَهَذَا إِنْ سَلِمَا قَالُهُ مِنْ الْكُفْرِ فَهُوَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَبِمَنْزِلَةِ أَنْ يُهَنِنَا أَوْ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ بَلْ ذَلِكَ أَعْظَمُ إِثْمًا عِنْدَ اللَّهِ وَأَشْهَدُ مَقَتَ مِنْ تَهِينَةِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَقَتْلِ النَّفْسِ وَارْتِكَابِ الْفَرَجِ الْحَرَامِ وَنَحْوِهِ. Donc il a dit, si jamais cette personne-là, en faisant cette chose-là, est épargnée du kufr, car ça peut être du kufr de le faire. Si la chose, on la cautionne, on l'approuve et autres, tu tombes dans le kufr. D'accord ? Il a dit, si jamais la personne est épargnée du kufr en faisant cela, alors il sera du même niveau que quelqu'un qui l'aura félicité. Alors c'est une chose qui est interdite, non ? C'est une chose qui est interdite, car il sera du niveau de quelqu'un qui l'aura félicité pour leur prosternation, pour le crucifie. Et cela est pire comme péché auprès d'Allah que le fait, de, par exemple, de féliciter quelqu'un qui boit de l'alcool, ou quelqu'un qui aura tué, ou quelqu'un qui aura fait, qui aura forniqué autre. leur souhaiter leur fête est pire que ces choses-là. Car cela revient à quoi? À une croyance qu'ils ont eux, ces gens-là. وَكَثِيرٌ مِّمَّنْ لَقَدْرَ الْدِينِ عِنْدَهُ يَقَعُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَدْرِي قُبْحْ مَا فَحَلْ فَمِنْ هُنَا أَوْ فَمَنْ هَأْنَا عَيْدًا بِمَعْصِيَةِ وَبِدْعَةٍ أَوْ كُفْرٍ فَقَدْ تَعْرَضَ لِمَقْتِ اللَّهِ وَسَخَتِهِ إِنْتَهَا كَلَامُهُ يَرْحَمُهُ اللَّهُ. Donc après il a dit Ibn Qayyim toujours, son kalam, beaucoup de gens qui ne donnent pas de valeur à la religion tombent dans ce genre de transgression. Ils ne réalisent pas justement la laideur de cet acte. Donc celui qui aura félicité pour فَمَنْ هَنَّا عَبْدًا بِمَعْصِيَا أَوْ بِدْعَةٍ c'est pas عِيدًا, c'est عَبْدًا. Donc celui qui aura félicité un serviteur pour un péché qu'il aura commis, ou une innovation, ou pour une mécréance, il sera exposé à la colère d'Allah Azzawajal et à son courroux. Donc même souhaiter une chose d'une personne lorsqu'il fait un mal, même si ce sera un musulman, c'est une chose qui est très grave. Mais souhaiter aux koufars de passer de bonnes fêtes et de les approuver ou quoi, cela est pire encore. Donc là, ça termine la parole d'Ibn Qayyim. وَإِنَّمَا كَانَتْ تَهِيدَةُ الْكُفَّارِ بِعَيَدِهِمْ اَدِينِيَّ حَرَامًا وَبِهَذِي الْمُثَابَةِ الَّذِي ذَكَرَا إِبْنُ قَيِّمْ لِأَنَّ فِيهَا إِقْرَارًا لَهُمْ أَوْ لِمَا هُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَعَائِرِ الْكُفْرِ وَلِضَنٍّ بِهِ لَهُمْ وَإِنْ كَانَ هَؤُلَاء وَهُوَ كَانَ طيب وَإِنْ كَانَ هُوَ لَا يَرْضَى بِهَذَا الْكُفْرُ لِنَفْسِهِ. Donc là, il a cité que la raison pour laquelle cette félicitation n'est pas permise, car cela amène à approuver, d'accord, à cautionner leur kufr et à l'agréer. Et même si lui n'agrée pas pour lui-même, cela reviendra à conforter le kafir dans le faux dans lequel il se trouve. Et cela n'est pas permis. لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره لأن الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. Donc il n'est pas permis aux musulmans d'agréer les emblèmes de la mécréance ou de féliciter autrui pour cela, car Allah Azza wa Jal n'agrée pas cela, dans le sens où Allah dit si vous mécroyez, Allah se passe de vous et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous le remerciez, il agrée cela pour vous. Az-Zumar, verset 27. Donc Allah Ta'ala, « Al-yum akmaltu lakum dinakum, wa atmamtum alaykum ni'amati, wa raditu lakum l'islam dina. Fatahinatuhum bihada haram, sawa kanu musharikin li shakhs fil fi'l amla. » Dans le sens où Allah dit, « Et aujourd'hui, j'ai partagé pour vous votre religion, et j'ai complété pour vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » La table de servie, verset 3. Donc, féliciter le kafir pour cela est interdit. Et cela que tu participes à la fête ou pas, le simple fait de féliciter, cela n'est pas permis. وَإِذَا هَنَّأُونَا بِأَعْيَادِهِمْ فَإِنَّنَا لَا نُجِيبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَعْيَادَ لَنَا. وَلِلْنَا أَعْيَادٌ لَا نَرْضَاهَا أَلَا يَرْضَاهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهَا إِمَّا مُبْتَدَعَ فِي دِينِهِمْ وَإِمَّا مَشْرُوعَ ذلكنا نسخات بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. Donc il a dit si maintenant eux nous souhaitent leur fête, alors on ne doit pas leur répondre, car ces fêtes ne sont pas les nôtres et ce sont des fêtes que Allah n'agrée pas. Soit que ce sont des fêtes qu'ils ont eux-mêmes innovées dans leur religion, comme c'est le cas de Noël, par exemple. Noël, c'est une religion, c'est une fête qui, à la base, n'a pas d'origine dans la Bible. C'est eux qui l'ont inventée. D'accord? Et Kazalik, le jour de l'an. C'est une chose qu'eux-mêmes, ils ont inventée. Ou alors, c'est une chose qui a été légiférée dans leur religion, mais qui a été abrogée par la nôtre par la suite. Par la religion par laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé Mohammed. Dans le sens où Allah a dit, et celui qui recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée auprès de lui, il sera dans l'au-delà, parmi les perdants. La famille des morts, verset 85. Et si quelqu'un dirait que Noël a une origine dans la Bible, lorsque les rois mages sont venus se rendre dans la bergerie où Issa serait né, d'après ce qu'ils disent, alayhi salat wa salam, il y a cette histoire-là, elle contredit beaucoup de faits de l'islam. Car Issa n'est pas allé dans une bergerie. En plus, dans l'histoire, ils disent que c'est Marie et Joseph. C'est-à-dire que Joseph était le mari, l'époux de Marie. Et ça, il n'y a pas ça en islam. Et l'histoire des trois mages qui sont venus de je ne sais où pour accueillir Issa, lui offrir des cadeaux, on n'a pas ça dans l'islam. Et quoi qu'il en soit, combien même on dit qu'une partie de cette histoire serait vraie, nulle part dans la Bible, il était dit que Issa, par la suite, fêtait son anniversaire également. Et ça aurait été le cas, eh ben nous-mêmes, on l'aurait fait par la suite. Le prophète Mohammed Sarsalem l'aurait fait lui-même. Et ça n'a pas été fait. Donc Noël est une chose telle que les koufars le font aujourd'hui, qui n'existe pas. Même, voire même, ça a pris un statut commercial incroyable. Et les koufars eux-mêmes le disent. Ça n'a plus aucune connotation religieuse, maintenant c'est devenu purement commercial. Et tout le monde y participe. Nasara ou Réel Nasara. C'est devenu une fête commerciale. Wali Azubillah. قال وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام لأن هذا أعظم من تهينتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها. Quant au fait de répondre à leur invitation lors de ces occasions-là, cela est pire encore que leur souhaiter de bonnes fêtes. Car carrément là, tu participes à la chose par ta personne. وكذلك يحرم على المسلم التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو تزييع الحلاوة أو أتباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك لكل النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بكم فهو منهم. Et كذلك il est interdit aux musulmans, aux musulmines on va dire, de façon générale, de ressembler aux kuffar, justement en faisant des fêtes pour ces occasions-là, ou en échangeant des cadeaux, ou en distribuant des confiseries, ou des pâtisseries, ou des nourritures pour cette occasion-là, ou alors de prendre un congé. Maintenant, si le congé, eux, ils te le donnent à ton travail, ça sera autre chose. Mais toi, tu prends volontairement un congé ce jour-là. Pour cette occasion-là, ce n'est pas permis. Ou même de faire un jour de congé chez les musulmans pour cette occasion-là. Ce n'est pas permis. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Quand le shaykh al-islam, rahmallahu ta'ala, fi kitabi iqtida sirat al-mustaqim, wa mukhalafat ashab al-jahim, mushabahatuhum fi ba'd a'yadihim, tujibu surur kulubihim bima hum alayhim al-batil. Wa rubbama أتحمهم ذلك في انتحاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه يرحمه الله. Donc Cheikh al-Islam dans son livre, qui a été écrit spécialement à cette occasion-là, qui est le fait de ressembler aux kuffars dans leur habitude, dans leur parler, dans leurs coutumes, dans leurs fêtes et autres, il a dit que le ressembler dans certaines de leurs fêtes, cela amène à ce que tu rentres la joie dans leur cœur. Tu les réjouisses par cela. Et cela les amène à se conforter dans le faux sur lequel ils sont, comme on l'a dit au début. Donc c'est comme si tu l'encourageais à faire du mal et à faire du mal à lui-même. Alors qu'à la base, nous, quand on voit un mal, on doit le condamner. D'accord ? Et cela également est une chose qui fasse que le kafir se sente supérieur à toi. Car il te voit, toi, le féliciter pour ce qu'il fait comme mal. Donc il va se dire, je suis sur le vrai, et lui-même le reconnaît. Non, mais cela peut influencer sur les gens qui sont faibles. فمن فعل شيئا من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياة أو لغير ذلك من الأسباب لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. Donc celui qui fait une chose parmi les choses citées précédemment, qu'il ait fait soit par complaisance, soit par affection, soit par gêne ou autre parmi les autres causes que l'on pourrait trouver, cela fait partie des concessions aux religions. Et cela n'est pas permis de faire des concessions aux religions. Et cela amène justement à renforcer les koufars et à les voir se vanter de leur religion. Tu dis à nous, ce qu'on fait, c'est vrai. C'est bien. Wallah al-mas'oul an yu'izz al-muslimin bidinihim wa yarzukahum al-thabat alayhi wa yansurahum ala a'da'ihim minhu qawiyyun aziz. Et après, il a fait un dua. Que Allah Azza wa Jal donne la gloire, la puissance aux muslimins dans leur religion, et qu'il leur accorde la fermeté dans leur religion, et qu'il les secours contre ses ennemis, car il est certes fort et puissant. Adalazir Khan al-Yum, walhamdulillah bil alamin.